Inter. C'est Oli. O-L-I. La Bible des petits. Je suis pas petit. Je suis grand. Bonjour, c'est Antoine Decaune et je vais vous raconter une histoire de quand j'étais petit avec plein de loups et de génies dedans. Quand j'étais petit, je n'étais pas grand. Le problème, c'est que maintenant que je suis grand, j'ai toujours l'impression d'être petit. Alors bien sûr, on peut être petit et grand comme Charlot et Napoléon, mais là, ça veut dire qu'on est petit par la taille, mais grand par le génie. Non, moi je n'ai pas de génie, hélas, et je suis plutôt grand par la taille. Enfin, grand. Disons que je ne suis pas petit. En revanche, j'ai des lampes à huile. Plein mon grenier. Et souvent, je monte en frotter une ou deux dans l'espoir qu'un génie va apparaître, juste histoire de dire que moi aussi, j'ai un génie. Bien sûr, ce n'est pas la même chose d'avoir un génie et du génie. Mais enfin, c'est mieux que pas de génie du tout. Enfin, pour l'instant, il ne s'est rien passé. J'ai juste réussi à faire briller des vieilles lampes qui étaient toutes poussiéreuses, mais toujours pas de génie à l'horizon. Quand on fait apparaître un génie, une fois que l'on est tombé sur la bonne lampe, il vous propose d'exaucer trois souhaits. Attention, si on est enrhumé et qu'on éternue, si quelqu'un vous dit « à vos souhaits », ça ne veut pas dire que c'est un génie, sauf s'il sort d'une lampe à huile et qu'il a un turban sur la tête. Donc, trois souhaits. Vous pouvez demander tout ce que vous voulez, comme par exemple de ne plus jamais avoir à manger de betteraves, ou que les devoirs de l'école se fassent tout seuls, comme par enchantement. Ou encore, qu'on arrive à sauver la planète, y compris les betteraves, tant qu'il en est temps. Moi, si jamais je devais tomber sur un génie, je lui demanderais son secret pour être à la fois tout petit, enfin, suffisamment petit pour vivre dans une lampe à huile, sans huile dedans, bien sûr, mais quand même, et très très grand, comme peut l'être un génie quand il sort de sa lampe. Et donc, sans avoir de génie ou en être un moi-même, j'ai quand même l'impression d'être comme un grand à l'extérieur, mais petit, comme un enfant, à l'intérieur. Par exemple, je me souviens de quand j'avais 5 ans. C'est comme si c'était hier. Enfin, avant-hier. J'avais peur des loups. Il paraît que c'est normal d'avoir peur des loups quand on est petit. Les loups qui se promènent dans les forêts la nuit, avec des yeux qui brillent et qui braillent des « ouh » qui font très peur aux brebis et aux moutons. Les loups qui se transforment en garous les nuits de pleine lune et qui, d'un seul coup, se mettent à chanter des histoires de cathédrales qui font aussi peur aux parents et leur font saigner les oreilles. Et puis, les loups qui s'habillent en grand-mère pour mieux manger les petits chaperons rouges. Et ça, il faut pas se le cacher, c'est ce qui m'a toujours fait le plus peur avec les loups. D'ailleurs, quand on y pense, c'est quand même bizarre, cette idée de s'habiller en grand-mère pour manger une petite fille, après qu'on a mangé la fameuse grand-mère pour lui piquer sa chemise de nuit et son bonnet. D'abord, parce qu'une fois qu'on a mangé une grand-mère, normalement on n'a plus faim, sauf si on est un très gros loup ou que c'est une toute petite grand-mère. Mais il y a peu de chance, vu que si le loup est déjà très gros, il a moins de raisons d'avoir très faim. Encore que. Et puis la grand-mère, c'est étrange qu'elle se laisse avoir aussi facilement. Même si c'est vrai qu'en tant que grand-mère, ça fait longtemps qu'elle n'a pas vu le loup. Tiens, moi ma grand-mère par exemple, quand je lui demandais depuis quand elle n'avait pas vu le loup, elle me répondait toujours « Aouh !» Et je me souviens, ça m'étonnait. Parce qu'on aurait dit un loup, et du coup je me demandais si ma grand-mère n'était pas elle-même un loup, enfin une louve, déguisée en vieille dame, et donc moi j'évitais de m'habiller en petite fille, au cas où. J'avais peur des loups, et de toutes sortes de loups, même les loups de mer, c'est pour dire. Alors pas tellement les vrais loups de mer, qui sont des poissons dont raffolent tous les amateurs de poissons. Non, ces loups-là ne font pas peur aux enfants. Juste aux autres poissons qu'ils dévorent de bon appétit, que ce soit les sardines ou les calamars, mais en aucun cas des petits garçons, des petites filles ou des grands-mères, même déguisées en louves. Car si on dit que l'homme est un loup pour l'homme, le loup, lui, n'est pas un loup pour le loup. À une exception près. Écoutez bien. Il faut savoir que le loup de mer a un autre nom selon la mer où on le pêche. Et ce nom, c'est le bar. Oui, comme les bars où, vous allez rire, on croise ce qu'on appelle les vieux loups de mer. Le vieux loup de mer non plus n'est pas dangereux pour les enfants. Ce n'est pas un animal, mais un marin qui a bourlingué sur tous les océans et qui a donc croisé plein de loups de mer et en a probablement mangé quelques-uns. Voilà pourquoi il peut arriver que le loup, mais seulement dans le cas du vieux loup de mer, soit un loup pour le loup. Il faut noter qu'on dit toujours « vieux loup de mer ». Le jeune loup de mer, je n'en ai personnellement jamais entendu parler. Il est vieux d'un seul coup, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il raconte un peu toujours les mêmes histoires que les enfants adorent écouter en s'endormant, sans que le vieux loup de mer en profite pour aussitôt les dévorer et se déguiser en grand-mère ou en vieux loup de grand-mère. Pourquoi je vous raconte tout ça, moi ? Ah oui, parce que j'ai beau avoir l'âge d'un loup de mer, j'ai toujours l'impression de ne pas comprendre pourquoi les grands sont si sérieux, avec cette impression de tout savoir, alors qu'au fond, ils ont beau faire les malins, ils font rien qu'à tout embrouiller au lieu de raconter des histoires que tout le monde peut comprendre. Et même qu'à force de jouer à faire peur aux enfants avec des histoires de loups, c'est eux qui en sont devenus des loups. Et ça, pas besoin d'avoir de génie. Vous le comprendrez quand vous serez grand. Et voilà, l'histoire est finie. Et maintenant, au lit, les petits loups.